Le corps des enfants pionniers basses de Syrie a fait parvenir un présent au dirigeant suprême Kim Jong-un. Le chef de la délégation du corps, Vadar Savas, chef de département de la technologie, de l'information et des rapports extérieurs en visite en Corée, l'a transmis à un cadre coréen intéressé.